بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture de cette épître de l'imam Ahmed rahimahullah concernant les fondements de la sunna, les fondements de l'islam authentique, les fondements des gens de la sunna et du groupe. Parmi les fondements de la sunna, l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit « Wal imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ». Il a foi à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ahlus Sunnati wal Jama'a, il croit au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder et qu'il a plusieurs intercessions qui lui sont accordées. Parmi les formes, parmi les diverses intercessions que les savants ont citées, il y a premièrement l'intercession qu'on appelle Al-Shafa'atu Al-Uzma, la grande intercession. C'est l'intercession qui concerne le fait que les gens se trouveront au jour de la résurrection, les gens de toute communauté, dans cette situation difficile, apeurés, en espérant leur jugement, en attendant leur jugement. Les gens iront voir leur prophète. Ils iront voir tous les prophètes. Et jusqu'à ce qu'ils aillent voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dira Analahe. C'est-à-dire, je vais le faire. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que Allah tabaraka wa ta'ala juge d'entre ses serviteurs. Comme cela a été cité dans Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas. Et donc la première intercession, c'est l'intercession donc qui sera lors du rassemblement afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala juge d'entre ses serviteurs. La deuxième intercession que les savants ont citée, c'est l'intercession à la porte du paradis, car la porte du paradis ne s'ouvra que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il va donc se prosterner et qu'Allah tabaraka wa ta'ala va lui accorder la possibilité de faire d'autres louanges que celles qu'il connaissait ici-bas, etc. Et ensuite, il lui sera dit donc de se lever et d'intercéder. Nous avons aussi parmi les formes d'intercession qui sont accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession pour son oncle, Abu Talib. Abu Talib qui est mort non musulman. Il est mort non musulman, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Et il sera celui qui aura le plus petit ou le châtiment le moins fort. Quel sera le châtiment d'Abu Talib? Oui. Barakallahu fik. Et donc le fait d'avoir donc des braises de feu au pied avec un feu tellement fort qu'il va faire bouillir son cerveau. Ça c'est le plus petit châtiment. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en sa faveur afin que donc l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc fera que cet homme aura le plus petit châtiment. Et cette intercession, c'est une intercession qui est spécifique au prophète et à Abu Talib. C'est-à-dire que on n'a pas de texte qui montre que des êtres humains, d'autres, pourront intercéder pour que le châtiment d'autres non-musulmans diminue. Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi l'intercession pour ceux qui méritent le châtiment de l'enfer à cause de leurs péchés, mais qui sont musulmans. Et donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur afin qu'ils rentrent au paradis sans être châtiés. Et donc, ceux qui méritent le châtiment de l'enfer parmi les musulmans à cause de leurs péchés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera donc pour que ces gens-là rentrent au paradis sans être châtiés. Et cette intercession-là, ainsi que toutes les autres intercessions qui suivent, n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela concerne donc les pieux de nos donc des communautés. C'est-à-dire que les pieux peuvent intercéder en faveur de ceux qui méritent d'être châtiés. Ils pourront intercéder auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a l'intercession pour ceux qui sont rentrés dans le feu, afin qu'ils en sortent. Ceux qui sont rentrés dans le feu, afin qu'ils puissent en sortir. Il y a aussi l'intercession pour ceux qui méritent des demeures au paradis qui sont dans des degrés, je dirais, les degrés inférieurs du paradis. Une intercession afin que ces gens-là montent dans les degrés supérieurs. Il y a aussi l'intercession pour les gens de l'A'raf. C'est quoi l'A'raf? La fenêtre qui donne sur un pont. Un pont? C'est le pont entre les deux. Entre le paradis et l'enfer. Ah, le pont. Et donc ce sont des gens qui n'ont pas les œuvres suffisantes leur permettant d'entrer au paradis. Et donc, et leurs mauvaises actions aussi, donc, ne font pas qu'ils rentrent en enfer. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont les bonnes et les mauvaises actions qui sont équivalentes. Et donc, à cause de leurs mauvaises actions, ils ne rentrent pas au paradis. Et à cause de leurs bonnes actions, ils ne rentrent pas en enfer. Et donc, ils sont sur l'A'raf. Alors là, le prophète ou les croyants vont invoquer pour eux afin qu'ils rentrent au paradis. Vont intercéder pour eux afin qu'ils rentrent au paradis. Et toutes ces intercessions-là, donc, ont été citées dans les textes. Et tout cela est une réplique à qui? C'est une réplique à qui, ça? Le sujet de l'intercession. C'est une réplique aux Khawarij. Puisque les Khawarij, ils disent que la personne, quand elle accomplit un péché, la personne qui accomplit un grand péché, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam et donc elle meurt non musulmane. Or, les textes nous montrent que cette personne reste musulmane et que même si elle entre dans le feu, elle va sortir du feu par la suite pour rentrer au paradis. Et ce, par l'intercession. Voilà pourquoi les Khawarij, ils ont rejeté le sujet de l'intercession. Et l'imam Ahmed rahimahullah, après cela, il réplique encore à cela. Et il nous dit « وَبِي قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا اِحْتَرَقُوا » Et donc, nous croyons au fait que certains sortiront du feu après avoir été brûlés « وَصَارُوا فَحْمًا » et qu'ils soient devenus du charbon. فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ Et donc, il leur sera donc ordonné de passer par donc un fleuve qui est aux portes du paradis. C'est Nahrul Haya. Et donc, c'est le fleuve de la vie. Comme cela a été cité dans les textes. Et donc, ils le feront كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَكَمَا شَاءَ. Et donc ils le feront comme Allah tabaraka wa ta'ala a voulu. Aujourd'hui, il ne faut pas se demander mais comment des gens qui sont devenus charbon, ils vont dans un fleuve, etc. Et donc c'est comme Allah Azza wa Jalla décidé tabaraka wa ta'ala. Il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, innama huwa al-iman bihi wa at-tasdiq bihi. Certes, donc nous devons croire en cela. Nous devons croire en cela. Et donc ce sujet, comme je l'ai dit précédemment, il a été rejeté par les Khawarij. Parce que les Khawarij, donc eux, ils voient, comme j'ai dit tout à l'heure, que la personne qui accomplit des grands péchés, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam. Et voilà pourquoi, pour eux, le gouverneur qui va accomplir des péchés dans sa façon de gérer son pays, ils vont voir que ce n'est pas un musulman. Voilà pourquoi ils voient qu'il n'y a pas de gouverneur musulman sur terre. Ensuite, ils vont te dire, « Ah, toi, le gouverneur de tel pays, est-ce que c'est un musulman ou c'est pas un musulman ?» Et donc, si toi tu dis, « Oui, c'est un musulman », ils vont te dire, « Ben toi, tu n'es plus musulman. » Etc. Et c'est comme ça qu'ils se permettent de taxer les gens de non-musulmans et ensuite de se permettre de faire n'importe quel péché, que ce soit le terrorisme ou autre. Et une fois, donc, quand j'étais en France, dans la mosquée, il y avait justement un homme qui avait cette croyance. Il était venu, les fidèles de la mosquée m'ont prévenu, ils m'ont dit, il y a un tel, il vient et lui, il a des ambiguïtés par rapport à ça. Alors je l'ai convoqué dans mon bureau, je parle avec lui, et il m'a dit, non, moi je ne taxe personne, je ne taxe aucun musulman de m'écrire, moi. Je ne fais pas ça, moi. Ah non, c'est grave. Taxer un musulman de m'écrire, mais c'est grave. J'ai dit, ah, alhamdoulilah. Après, j'ai vu qu'il débattait, j'ai dit, bon, on va pas tourner autour du pot. Je lui ai dit, le gouverneur de tel pays, c'est un musulman ou c'est pas un musulman? Il m'a dit, ah non, c'est pas un musulman, lui. J'ai dit, mais c'est pas toi qui m'as dit il y a quelques minutes, tu ne taxes pas les musulmans de non-musulmans. Il m'a dit, oui, je ne taxe pas les musulmans de non-musulmans. Mais lui, c'est pas un musulman. Et donc, ces gens-là, donc dans leur croyance, lorsque tu accomplis de grands péchés, tu sors de l'islam. Tu sors de l'islam. Pourtant, les textes nous montrent que ceux qui accomplissent des grands péchés, et qu'à cause de cela, ils sont châtiés en enfer, eh bien, ils sortiront du feu pour entrer au paradis. Et quand même certains, le pardon leur sera accordé, ils ne seront même pas châtiés. Car Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à qui il veut parmi ses serviteurs. Non. Les personnes qui commettent des grands péchés, elles sortent d'islam au moment où elles le commettent Ça chez Ahl Sunnah ou chez Ahl Bidah? Non, les grands péchés n'arrivent pas. Les grands péchés ne te font pas sortir de l'islam. Attention, ça j'ai dit, ça c'est les Khawarij qui ont cette croyance. D'accord ? Chez les gens de la Sunna, non, on n'a pas ça. Les gens de la Sunna, les grands péchés ne te font pas sortir de l'islam. Si on prend l'exemple du meurtre, quelqu'un qui a tué. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ. Celui dont on lui a pardonné pour son frère. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre dans ce verset que le tueur est le frère de celui qui a été tué. Et donc c'est son frère en islam. D'accord ? Ce péché ne l'a pas fait sortir de l'islam. Pourtant c'est un meurtre. J'avais lu qu'une personne qui commet la fornication, pendant son acte, elle n'est plus musulmane. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne fornique pas pendant qu'il est croyant. Etc. Le prophète, il a cité plusieurs péchés comme cela. Et c'est que des grands péchés. Et ça, ça fait partie des preuves utilisées par les Khawarij par rapport à ça. Mais ce qui est voulu par là, c'est-à-dire la foi complète. Parce qu'il faut rassembler les textes. Et donc parfois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre des péchés. Et il nous montre ici, comme ici, donc il ne fornique pas. Le fornicateur, pendant qu'il fait sa fornication, Il ne le fait pas quand il est croyant. Ce qui est voulu ici, c'est quand il est croyant avec une foi complète. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Parce qu'il y a d'autres preuves qui montrent qu'il reste musulman, comme le hadith de Abu Dhar. Abu Dhar qui demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la personne reste croyante si elle fait ci et ça ? Wa in zana wa in sarak, même s'il vole et fornique. Le prophète, il dit oui. Même s'il vole et fornique, oui. Même s'il vole et fornique, il répète encore. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui. Même si, et il a cité une expression qui signifie même si Abu Dhar ne le veut pas. D'accord ? Et donc, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre donc que la personne qui va voler, qui va forniquer, elle reste croyante. D'accord ? Et donc il faut, parmi les qualités des gens de la Sunna, c'est le fait qu'ils vont réunir tous les textes pour pouvoir avoir la bonne compréhension. Ils ne vont pas prendre un texte, s'accrocher à ce texte-là et rejeter les autres. Et donc ils vont avoir un texte, ce texte-là qui dit ça, et un autre texte qui dit telle chose. On va réunir les textes pour avoir la bonne compréhension. Mais on ne va pas s'accrocher à un texte ou s'accrocher à un autre en délaissant donc, les autres textes. D'accord ? Donc la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est qu'une personne, quand elle fait des péchés, elle ne sort pas de l'islam. Aucun péché ne fait sortir de l'islam. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed, il le cite dans cet écrit. Aucun péché ne fait sortir de l'islam. Donc, si ce n'est la mécréance et le polythéisme. Ensuite, il nous dit l'imam Ahmed, rahimahullah, « Wal imanu anna al-messih ad-dajjal kharij » مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Et donc la croyance au fait que le Messie ou Dajjal sortira et qu'il sera inscrit, il sera écrit entre ses deux yeux, kafir. Kafir qui veut dire, voilà, mécréant, incroyant. Et les ahadiths, la croyance en tous les ahadiths qui ont été rapportés en ce sujet et le fait d'y croire et que tout cela arrivera. Le Messie Dajjal, barakallahu fikoum, il y a beaucoup de textes qui abordent ce sujet. D'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse un cours spécifique pour un peu parler du Messie Dajjal. Ça serait bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, concernant le Messie Dajjal, barakallahu fikoum, il y a un point important. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a déjà décrit. Il nous a décrit le Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, il est vivant. Et donc, il sortira. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordé des capacités que nous n'avons pas. Des capacités qui sortent du commun. Et ceci pour éprouver ses créatures. Allah Tabaraka wa Ta'ala va éprouver ses créatures par ce Messie Dajjal. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se concentrent sur tous les cours qui sont faits concernant le Messie Dajjal. Ils viennent, le Messie Dajjal, le Messie Dajjal, le Messie Dajjal. Oui, c'est une grande fitna, je ne rejette pas cela. C'est une très grande fitna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a décrit le Messie Dajjal, comment il est? Et que, donc physiquement, comment il est, et ce qu'il fera pour éprouver les gens, et qu'il dira aux gens de croire en lui, au fait qu'il est le Seigneur, et le fait qu'il va tuer un homme, le couper en deux parties, passer entre les deux parties, et ensuite faire en sorte que cet homme se relève comme si de rien n'était. Oui! Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que ce n'est pas le Messie Dajjal qui me fait le plus peur vous concernant. Il a dit ce n'est pas le Messie Dajjal qui me fait le plus peur vous concernant. Pourquoi donc on ne cherche pas non plus à savoir qu'est-ce qui fait le plus peur que le Messie Dajjal? Il a dit sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam innama akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin. Certes, j'ai peur vous concernant, j'ai peur des imams égareurs. Si aujourd'hui déjà, tu as du mal à comprendre le sujet des imams égareurs, comment tu veux faire face au Dajjal? Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne à comprendre qui sont les imams qui appellent à la guider et qui sont les imams qui égarent. Comment faire pour savoir? Ce sujet est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne cherchent même pas à savoir concernant ce sujet. Ils vont regarder toutes les vidéos qu'ils peuvent trouver sur le Messie Ad-Dajjal. Peu importe que ce soit tel imam ou tel imam, toutes les vidéos, l'essentiel c'est marqué Messie Ad-Dajjal sur la vidéo. Et donc, faites très attention, barakallahu fikoum. Il nous dit, l'imam Ahmed rahimahullah, wa anna Isa ibn Maryama alayhi salam. Et nous croyons au fait que Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam alayhi salam, il descendra et donc il le tuera. Il tuera le Messie Ad-Dajjal à Babiloud. Et donc ici, barakallahu fikoum, Babiloud, c'est une contrée qui se trouve donc proche de Beit al-Maqdis, comme le dit Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ici, dans l'explication de ce passage, on a le Cheikh al-Najmi. Le Cheikh al-Najmi, rahimahullah, il nous dit aussi qu'il a été rapporté. Ça, c'est à vérifier la chaîne de transmission, je vous le cite, mais c'est à vérifier par la suite. Il a été donc rapporté que Isa ibn Maryam, il va donc se marier avec la fille de Al-Mahdi. Il va se marier avec la fille de Al-Mahdi. Il dit, il y a des textes qui sont rapportés concernant ce sujet, mais il n'a pas parlé de l'authenticité des textes. Tandis ensuite l'imam Ahmed qui aborde le sujet de la foi, et ça on le retarde pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala, wa faqallahu al-jami'a. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا